Je suis qu'un petit bonhomme perdu dessous la neige, qu'un petit bonhomme. Je suis qu'un vieux monsieur qui a pas vécu ses rêves, cape de cheveux et qui crève. Je suis un petit bonhomme perdu dessous la neige, qu'un petit bonhomme. Je voulais connaître tout, aimer tant de princesses. Mais le monde se fout de mes ivresses. Sous la neige, qu'un petit bonhomme. Jouer avec les bambins, chatouiller le soleil, mourir sous les câlins. Mais je crève seulement.